On a parlé avec Bertrand Godin, qui sera intronisé au Temple du sport automobile canadien. Patrick Carpentier, notre autre collaborateur de course automobile, là, sera également. En même temps que Bertrand, on lui parle. Salut Patrick! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Félicitations d'abord, Patrick, d'être intronisé au sport automobile canadien, au Temple de la renommée. Est-ce que tu t'en attendais toi aussi? Ben écoute, ça fait un bon bout de temps qui me l'a demandé. Je me rappelle, je parlais à Jeff Papon, qui était journaliste à Ottawa. Honnêtement, c'est plus. Ça a été bien long parce que c'est plus moi qui étais comme non, c'est correct. J'ai pas. J'ai pas besoin. Puisqu'au début, il y a plusieurs années, on me l'avait demandé, puis tout, je sais pas si c'est la direction, c'est quoi. Demander, c'est rare, mais... pareil. Normalement, c'est normalement de la. Il y a des règlements. Ouais. Non, puis j'avais trouvé ça bizarre à l'époque parce que la personne qui m'avait contacté, tout, disait que ça coûtait 2 000 $, puis il fallait. Je pense que moi, payer pour être au. Ah ouais? Intronisé au Hall of Fame, puis après ça, ça a été plusieurs années que j'ai comme fait non, j'ai eu zéro intérêt là-dedans. Puis pour moi, mes souvenirs sont dans ma tête, tu sais, puis je suis super content avec ça. Fait que finalement, Jeff, tu peux pas être... avec lui puis Anne Roy, je pense que Anne a soumis ma candidature aussi. Fait que j'ai dit oui, c'était parfait, tu sais, ça me faisait super plaisir. Non, je suis bien content, tu sais, être avec les Paul Tracy, puis... les gars de ce monde, exactement. Non, mais c'est spécial pareil. Normalement, tu payes pas pour te faire introniser. Je sais pas. Ben non, c'est ça que. C'est pour ça qu'après ça, j'ai toujours refusé. J'ai jamais voulu. Puis j'ai dit pas soumettre ma candidature. Puis tout, mais finalement, écoute, les gens qui sont là sont super sympathiques. Bertrand me disait, je savais même pas qu'il y avait un temple de la renommée du sport automobile canadien. Bertrand m'a dit que c'était à Toronto. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est quelque chose? C'est quoi un musée? C'est quoi? Y a-tu? Aucune idée. Je l'ai jamais vu. Je sais qu'à un moment donné, il parlait de le mettre dans un building. C'était pas loin de downtown Toronto. Finalement, je ne sais pas si c'est un building ou si c'est juste virtuel sur Internet. Là, je sais qu'aujourd'hui, ils font ça beaucoup, parce que je ne veux pas que ça coûte de l'argent de mettre ça dans un building. Puis, le sport automobile canadien, c'est populaire, c'est fort, mais de là à soutenir un centre, là, t'sais, comme un NASCAR, mettons, à Charlotte, en Caroline. Ah, c'est ça. Exactement, je ne penserais pas, mais je suis super honoré. Écoute, c'est super cool. OK. Écoute, être intronisé, c'est sûr, là, c'est pas le sport automobile, mais c'est le sport automobile canadien, mais ça doit faire de quoi quand même, parce que le sport automobile a déjà été très populaire, il est encore très populaire au Canada, là, c'est pas ça, mais je veux dire, ça doit faire un bel honneur pour toi pareil. Ah oui, je suis vraiment, je suis content, puis quand le monsieur, qui m'a appelé pour me le confirmer, j'étais content, c'est comme j'ai fait partie du sport, puis j'ai fait partie comme Bertrand, tu sais, de Players à l'époque, puis les échelons, puis la Indy, puis le NASCAR, puis tout ça, puis la télé, la couverture de la F1, la couverture du NASCAR à la télé, toutes ces affaires-là, ça fait que on est toujours mêlé un peu au sport automobile, tu sais, fait que non, ça me fait super plaisir. OK. Si on parlait un peu de tes meilleurs... écoute, Bertrand, moi ce qui m'a impressionné avec Bertrand Godin, c'est qu'il est parti en Europe avec 200 $ dans les poches. Est-ce que toi, t'as eu à faire ces sacrifices-là aussi? Ah oui, tout le monde en fait, je vais être honnête avec toi. Oh, oui, je vais te dire, moi, j'ai toi, parti de chez nous. Moi, j'ai parti de chez nous, j'avais 15 ans, j'étais habité en Ontario. OK. Puis, je restais dans une remorque en arrière de l'école, dans le champ en arrière de l'école, Spenard-David. Et monsieur? Puis, j'avais pas d'auto, fait que mes parents venaient m'amener de la bouffe à toutes les 2-3 semaines. Puis, je travaillais comme mécanicien parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer la course, là, tu sais, fait que... En échange de ça, il me permettait de rouler sur le circuit. Fait qu'en roulant sur le circuit, j'ai gagné un critérium. Ça durait une semaine, là, puis ça me payait la moitié d'une saison. J'ai rencontré Jo Leclie à l'époque, un Allemand qui fournissait les pièces pour l'école du Pénard d'Ovide. Puis Yuli avait décidé de m'aider, puis il a payé l'autre moitié de saison. Fait que ça m'a fait une saison à Pénard d'Ovide, l'école que Richard avait, Ouais. Pénard. Puis après ça, quand j'avais 16 ans, j'avais gagné d'autres choses. Je pense que ça me donnait une coupe d'affaires. Puis Yuli m'a commandité au complet. Fait que j'ai fait une deuxième année. Là-bas, Yuli m'a aidé pas mal. J'étais bien chanceux là-dessus. Puis après ça, j'ai déménagé à Toronto. J'ai été travailler pour Leclie. Fait que j'étais sur la livraison dans sa machine shop avec les frères Ian Willis, les gars course en Formule 1600. C'était là que je les avais rencontrés. Ils travaillaient dans Machine Shop. C'était des ingénieurs pour Leclie. Puis de fil en aiguille, monter tranquillement dans le sport. Là, tu sais, mais je me rappelle à un moment donné, écoute, j'avais une Toyota Tercel. Elle partait même pas à clé. Elle éteignait tout le temps. J'avais lâché parce que c'était trop dur à cette époque-là. Là. J'étais Incroyable. redescendu chez nous. C'est incroyable Ah non. les sacrifices que vous avez faits pour rouler en sport automobile. T'sais, on l'oublie assez souvent. Faut vraiment être un passionné Ah dans le ouais. fort. Ah oui, faut que tu sois passionné. Puis Ça se passait proche le parce pire, que c'est que. tu me racontes ça, là, puis ça se passait proche de que tu lâches tout. Ah, plusieurs fois, j'ai arrêté. Hey, écoute, il y a eu tellement d'affaires à un moment donné. Je me rappelle, je revenais de l'Ontario, mon auto, quand le moteur venait chaud, elle éteignait de la tercelle. Puis j'étais comme pris, j'ai arrêté d'une station d'essence. Puis. Écoute, il me restait 20$ pour mettre du gaz dedans. J'avais pas une scène. Puis je voulais me rendre chez nous, revenir chez nous à la maison à Joliette. Puis écoute, l'auto partait plus. J'étais pris au garage. La femme et son gars qui étaient au garage voulaient pas me donner un coup de main. Tu vas voir tout ce que j'ai dit. J'étais tellement pas C'est pas ton content. genre. J'étais comme découragé. Puis fait que tu sais, ça a fait ça. Après ça, j'avais signé un contrat avec Alfredo. Dissardi. Il y avait une compagnie de marketing qui s'appelait Ethnicab. Puis si je voulais courir, il fallait que je signe ce contrat-là, mais c'était comme un contrat à vie, puis j'avais été prêt avec ça parce qu'Alfredo, il a dit toi, tu courras plus jamais. Il m'avait enlevé de sa tablette. Après ça, j'avais eu des avocats qui m'avaient aidé avec un de mes amis, Luc Larreau, Maître Bellumeur, puis écoute, ça a été tout le long en montant. Des bouts, j'ai pas couru, ça a été difficile. J'ai eu du monde qui m'ont aidé tout le temps. T'sais. Je les nommerai pas parce que j'en ai tellement à nommer du Mais monde qui m'ont donné un coup de main. ça en prend du monde pour t'aider Ah, si tu veux écoute, percer là. Don Tuga, Players, Peggy Hash, Jackie Doty, il y en a, oublie ça, Jean-Paul Blais. Non, non, j'ai été chanceux, j'ai eu une bonne étoile parce que. Il y a tellement de jeunes qui ont du talent, puis des gars qui ont au Québec, là, c'est incroyable. T'sais, la pépinière de talent là, est immense. Puis, honnêtement, de passer, puis d'être un des choisis à l'époque dans la filière, players, écoute, ça prenait un petit peu de tout, mais un petit peu de chance aussi. J'ai été choisi, puis j'ai été très chanceux, parce que j'ai vraiment eu une belle carrière. C'était à l'apogée du sport automobile. Canadien, puis écoute, c'était incroyable avec Players, puis avec Moi, le Jean-Paul Blais. meilleur souvenir que j'ai de Patrick Carpentier, c'est ta domination en Formule Atlantique. C'était incroyable. L'année que tu avais remportée, je pense que tu avais manqué une course, seulement qu'une victoire. Oui, ah oui, ça avait été C'est incroyable. toute une année avec Bill O'Byrne qui était là, puis mon coéquipier aussi. Écoute, ça avait été une méchante saison, ça, avec Jim Griffith comme ingénieur, Steve Cameron. C'était Cameron McGee, l'équipe à l'époque. C'était vraiment, c'est quoi, on a vécu. Ça a été en Atlantique, je te dirais, ça a vraiment été une de mes plus belles saisons. Puis, C'est à cause de cette saison-là que j'ai monté à IndyCar. C'est encore une fois. Avec Bettinghausen. Oui, oui, c'est un concours de circonstances. Je ne savais pas que Bettinghausen testait des pilotes. Il y a un journaliste qui m'appelle, il dit « Bon, tu dois faire partie du test de Bettinghausen pour la IndyCar. » Puis pendant tout, j'étais en Californie pour faire tester une autre équipe. Puis il avait déjà signé Max Papis, l'autre équipe à cette époque-là. Puis je savais pas que c'était des pilotes. Écoute, je les ai appelés tout de suite. Puis ils m'ont aidé à faire le contact. J'étais allé avec Peter Fry. Je les ai rencontrés à Indianapolis. Puis finalement, ils m'ont mis dans le test. Ils ont dit, OK, on n'est pas supposé, on veut pas. T'avais Alan McNish là-dedans. T'avais bien des pilotes qui venaient de l'Europe. C'est une écurie de fond de gris, là, au début, on va se le dire. Ah oh, oui, c'était une écurie de fond de gris, mais tu sais, ça me permettait de rentrer en IndyCar. Ah, oui. Fait que ça, parce que Players était plein, les sièges, il n'y avait comme pas de place. Puis, fait que c'est. Ça prend du timing, je vais te le dire. Si t'as pas de timing, tu ne prendais pas, puis j'ai été bien chanceux. Fait que. Non, là-dessus, j'ai eu tout le long de ma carrière une bonne étoile, j'ai eu du fun, j'ai vraiment apprécié ça, j'ai vraiment, j'ai eu une bonne relation avec tout le monde, les journalistes, ça a vraiment été une bonne... T'es bien gentil, mais ça a été vraiment cool. Même avec Bertrand, on a eu du fun au bout des années Players, quand que... On riait tout le temps, puis tout, là, tu sais, c'était vraiment cool. Ça a détruit le sport automobile. On dit ce qu'on voudra, là, l'histoire de commandite, là. Ça a détruit le sport. C'était tellement ridicule. Oui. C'est Jeff Fignon qui disait ça l'autre fois, là. Les gens n'ont pas plus arrêté de fumer parce que ça avait aucun rapport. Oui, je l'ai toujours dit. Puis quand j'étais en entrevue, je m'appelle, j'avais fait une à Montréal. J'avais dit. Moi, en tout cas, quand je regardais Ayrton Senna piloter une Marlboro, j'ai jamais même pensé à fumer. Ben je voulais courir. Fait que je dis, écoute, tu penses fumer, c'est un choix personnel. Moi, je fumerai jamais, je vais fumer. Puis même pendant que j'étais avec Players, je le disais, tu sais, ben, ça l'a tué le sport automobile complètement. Puis il y a plus de fumeurs aujourd'hui qu'il y en avait à cette époque-là. Ben, c'est clair. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux parce que là, après ça, tu as eu des Andrew Ranger, tu as eu des Marc-Antoine Camiran, tu as eu des. Même Raphaël Lassant. La pépinière de talent était incroyable. Je me rappelle quand Andrew est embarqué d'une IndyCar, il était allé au Mexique avec une équipe de fond de gris. Il avait fini deuxième. Écoute, c'est quelque chose, là. Pareil, là. Tu sais, le gars, là, tu parles de talent brut, là. Mais c'est l'argent qui mène. Fait qu'Andrew n'a pas trouvé les fonds comme Raphaël. Toi, t'aurais pu continuer en NASCAR, Jacques Villeneuve aurait pu continuer sa carrière en NASCAR, tu sais. On aurait. Ça serait fou, là. Tu sais, c'est. Voilà. Donc, moi, je trouve ça tellement dommage. Ton meilleur souvenir, c'est quoi? Évidemment, c'est la victoire au Michigan, mais comme tu as mentionné tout à l'heure, tu as tombé dessus pas mal. Ma saison en Formule Atlantique. Ah, c'est incroyable. Ça a été une des plus belles choses que j'ai faites dans toute ma carrière. J'ai adoré la IndyCar, j'ai aimé ça, mais quand tu es rendu à ce niveau-là, tu es tout le temps sur le bord de la porte et de te faire mettre dehors. C'est comme si tu fonctionnes avec un fusil en dessous de la tente, là, tu sais. C'était beaucoup plus stressant, c'était beaucoup plus dur, bien plus de pression. T'es payé pour, évidemment, ça fait partie du jeu, mais t'es apprécié un petit peu moins. En Atlantique, là, c'était comme je découvrais, j'étais jeune, tout marchait en plus. T'avais battu le record de Gilles Villeneuve, je pense. Je me rappelle bien, t'avais battu le record de Gilles Villeneuve en NASCAR, pas en NASCAR, mais en Formule Atlantique. En Atlantique, ah oui, écoute, ça avait été une saison drive. Un, ça prend la voiture, la machine, l'équipement. Puis je l'avais, tu sais, il me l'avait fourni. Fait que, parce que la première année, en Atlantique, on n'était pas là du tout. Là. Ça marchait pas notre affaire, tu sais. Puis finalement, on avait été testé avec Olin, les amortisseurs Olin. Puis je développais les amortisseurs pour eux autres tout le temps. avec l'équipe. On travaillait tout le temps ensemble. Puis l'année que j'ai tout gagné en Atlantique, c'est l'année que Zanardi a tout gagné en IndyCar. Ouais. Puis on utilisait les mêmes amortisseurs. C'était moi puis l'équipe. Surtout Jim Griffith, l'ingénieur, il était vraiment brillant. Puis on développait les amortisseurs pour eux autres. Puis on avait trouvé une coupe de setup dans les amortisseurs. Puis c'est ça qui fait que l'auto collait comme ça. Puis Zanardi utilisait la même affaire. Fait que ça démontre comment l'auto était bonne. Puis Zanardi avait tout gagné en Indy aussi. Ah, regarde, c'était vraiment une belle année, Pat. Puis donc, félicitations, bravo. C'est là qu'on voit quand même que vous avez été des pionniers du sport automobile. Moi, c'est à cause de ça que je m'intéresse au sport automobile. Tu sais, j'ai les années de Jacques Villeneuve, les années en F1, toi en IndyCar. Dans le temps, l'IndyCar était plus fort qu'aujourd'hui. Quoique, ça semble vouloir remonter, là. Ça remonte. Écoute, j'écoutais plus la Indy. Ça fait des années que j'écoutais plus ça. Puis, écoute, j'en manque plus une, là. Les jeunes, là, Palou, puis... le petit Herta, Grosjean s'en va d'une bonne équipe l'an prochain. Non, ouais. C'est super cool. Malheureusement, c'est pas diffusé au Québec en France. Je trouve ça une autre affaire, là, mais regarde. Il n'y a plus de Québécois, tu sais, fait que c'est... Mais écoute, le show est bon, je me dis, tabarnouche, il faudrait que quelqu'un reprenne ça, parce que le show est excellent, la IndyCar. Ça rappelle les années où... Mansell était venu en IndyCar. C'est les années fin des années 90, ça, je pense. Oui, ben, c'était gros, là, l'Indy. Ouais, commençait à t'inquiéter pas mal, moi, te le dire. Ben, c'est la session entre IRL et. C'est la session qui a fait mal au sport, pas la monoplace aux États-Unis. Là. C'est ça qui est arrivé. Hey, Pat, en terminant, on va parler de la fin un peu. Hamilton, Verstappen, comment tu vois ça la fin de l'année? Enfin, on a une course. C'est souvent, aux trois quarts de la saison, c'était déjà réglé. Cette année, ça peut même se décider au dernier Grand Prix, de la manière que ça se parle. Là. C'est le fun? Oui, mais je vais te le dire, plus ça l'avance... plus Mercedes sont forts, tu sais. Fait que j'étais un peu inquiet du côté de Red Bull de ce côté-là. Mais écoute, c'est un des meilleurs championnats qu'on a eu depuis des années en F1. Puis j'adore ça. Écoute, j'adore le couvrir avec Pierre et Bertrand. Ils sont vraiment sympathiques, me font vraiment faire partie de leur équipe, là, tu sais. Fait que ça, j'aime bien ça. Puis le show est bon. Le show est excellent. T'sais, des fois, moi, je pense que c'est la faute à Hamilton, des fois c'est la faute à Verstappen, mais la plupart du temps, je pense toujours que c'est la faute le fait que les deux veulent pas donner un pouce, puis ils s'accrochent sans arrêt, ils veulent pas laisser de chance à l'autre, puis ça donne vraiment un bon championnat. Les fans de Verstappen pensent que c'est toujours la faute à Hamilton, puis les fans d'Hamilton pensent que c'est toujours la faute à Verstappen. C'est excellent. Pat, un gros merci, au plaisir de se parler. Hey, au plaisir, bye bye. Notre ami Patrick Carpentier.